frappe. Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, hein. C'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Je ne remettrai jamais ce Florent. Ah là, mais non, mais c'est normal, parce que voilà, lui c'est la légende. En Amérique du Sud, ils ont Victor Hugo, je sais pas quoi là. Victor Hugo, Morales. Morales, voilà, nous on a Jean-Jean essayé. Eh oui. Bon, lui c'est Maradona, nous c'est Malouda. C'est à peu près pareil, ça se ressemble, hein, c'est la même politique. Pas le même genre de joueur. Salut les gars, je suis content parce qu'il y en a qui sont restés quand même, hein, les meilleurs. De toute façon, moi je m'en fous, moi je veux les meilleurs, moi. Les autres, ils partent, ils s'en vont, ils me laissent. C'est Fifi, c'est ça, c'est Fifi et Fredo qui sont barrés. Non, je suis toujours là, mon petit. T'es là. Pardon, bien baisé là. Oh là là, je suis bien baisé. Eh oui, c'est vrai, c'est le cas. Vous avez parlé de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce qui est quand même assez formidable, c'est qu'il y aura, il y a eu deux clubs anglais en quart de finale l'un contre l'autre. Hein. Il y aura deux clubs espagnols en demi-finale l'un contre l'autre. Et en Europa League, il y aura peut-être deux Portugais en demi-finale l'un contre l'autre. Alors voilà, Julien, les clubs français l'un contre l'autre en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est quand même en général c'est rare quoi. La dernière fois c'était quand? C'était Lyon Bordeaux l'an dernier. Non, mais en demi-finale, c'était Monaco Lens. Mais c'est la Coupe de France hein. C'est la Coupe de France, mais c'était deux clubs français. Eh ben non, même pas, parce que Monaco c'est pas la France. Donc même en Coupe de France, on n'arrive pas à avoir de club français, c'est quand même dramatique. Voilà, bah c'est pour te dire, voilà, c'est la Ligue, hein, quoi. Je voudrais revenir aussi sur le fait que Didier, il paraît que Lucho, notre ami Lucho, est en contact avec le Milan AC, c'est vrai? Lucho? Ouais, Lucho González. Ah. Il y a ça comme rumeur en France, ce qui me paraît assez bizarre, hein. Parce que a priori, bon, il est pas alcoolique, il a pas de fait divers, il insulte pas ses coéquipiers, il insulte pas l'arbitre, il a moins de 35 ans. Je vois pas ce qu'il va faire à Milan, hein, entre ouais, nous. Ça c'est plutôt bien analysé. Ouais. Hein, tu vois. Ah, peut-être qu'il va jouer dans l'équipe espoir, centre de formation, et après quelques virées en discothèque et en boîte échangiste. Il sera peut-être prêt à rejoindre l'équipe première, mais sinon je vois pas ce qu'il va faire là-bas, quoi. On a parlé, qu'est-ce qu'il y a, vous avez parlé? Oui, il y avait aussi Lucescu qui vous appelait Fourbescu. C'est étonnant, alors que louche, tu veux dire le fourbe, alors que Lucescu, ça veut dire le louche, ça suffisait largement, quoi. qu'on surnommait aussi avant le Fennec, qui était aussi le surnom de Michel Mézy. Mais lui, c'est parce qu'il transpirait, hein. Une autre époque. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le Real Madrid qui revient, donc Fredo est parti. C'est dommage que le Real Madrid, quand même, qui a des attaquants incroyables, parce que quand c'est pas Higuain qui marque des doublés, des triplés, c'est Benzema qui le remplace, qui met des doublés, des triplés. Quand c'est pas Benzema, c'est Adebayor, qui met les doublés, les triplés, ou Cristiano Ronaldo. Là, nous, Paris Saint-Germain, nous, on a des attaquants qui, pour faire des triplés, à moins que leur femme tombe enceinte. Je vois pas comment ils peuvent. Il y a une petite chance, hein. C'est très faible, mais enfin bon, c'est plus gros que la chance de marquer 3 buts, hein, chez eux. Des noms. Non, je balance pas, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Louis Van Gaal, donc, il paraît que il est plus dans les petits papiers, Kraft. C'était la blague du jour, oh, donc Camillo. Oui, joli. C'était la blague, donc Camillo, en hommage à Daniel. Bravo. Louis Van Gaal, c'est marrant, il me fait un peu penser à Claude Puel, parce que tu vois, c'est vrai qu'il a le meilleur effectif de son championnat, comme Claude Puel, il a le plus gros budget, comme Claude Puel, il s'est fait taper en 8e de finale de Ligue des Champions, comme Claude Puel, il est tricard avec la plupart de ses grands joueurs, comme Claude Puel, et c'est sa dernière année de contrat, comme Claude Puel, et il s'est fait lourder. Je sens un rap là qui arrive. Non, mais il s'est fait virer. Ouais, mais il s'est fait virer, comme mais là ça s'arrête là. Non, pas Claude Puel, c'est parce que c'est un fan de Grand Corps Malade, c'est pour ça. Moi je suis Grand Corps Malade. Donc Claude Puel, donc lui, a le même bilan que Van Gaal, mais il s'est pas fait lourder. Donc je pense qu'il doit avoir, je sais pas, des photos de Madame Olas sous la douche en string, à Lyon Perrache. Je pense, hein, parce que sinon je vois pas. Dans un coffre-fort planqué, parce que je vois pas comment il peut s'en sortir. Le premier invité qu'on a eu, c'était Rio Mavuba, qui nous a parlé d'Adil Rami, qui était pas content après le match, quand on s'est coéquipier. Alors vous avez passé un morceau de sa phrase, vous avez pas mis. Le plus intéressant, il a dit, quand tu n'es pas prêt à donner ton corps à la science, tu n'es pas fait pour jouer à Lille. Donc il pense que lui, il faut donner son corps à la science. Mais c'est vrai qu'on manque de donneurs d'organes en France. Ça serait important. C'est vrai qu'en Ligue 1, déjà, on manque de pieds. Enfin, on a des carrés, mais des pieds normaux, on n'en a pas. On manque de cerveau aussi. Donner des cerveaux pour les joueurs de Ligue 1 est très important. Donner des couilles aux entraîneurs. Parce qu'il y a un vrai manque de couilles. Désolé, Ronaldinho est rentré au Brésil. Oh là là là là, quel dommage. Quel dommage, il y avait Adriano aussi qui était pas mal. Lille-Rennes, alors vous savez quand même que Lille-Rennes a été joué à guichet fermé. C'est assez quand même. Moi quand j'ai appris ça, j'ai cru qu'ils faisaient le guichet fermé avant de vendre les places, c'est-à-dire pour être sûr que les gens voient pas le Stade Rennais jouer. Non, c'est-à-dire que c'est guichet fermé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus pour aller voir jouer le Stade Rennais. Ben résultat, voilà. C'était pourri, c'était quel match? C'était le match d'avant, hein, bien sûr. Il y a Louis qui a dit que dans le sprint final, Lille, ils allaient paniquer, et Anigo aussi, ils allaient paniquer. C'est pas parce que t'as pas Brandao dans ton équipe que tu vas paniquer. Je trouve ça un petit peu allégé de leur part. Daniel, que quelqu'un voyait nu dans Guépier après Adil Rami. Dans têtu, si pas guépier. Dans têtu. Guépier, c'est quand toi tu le disais. C'est ah, devenu oui, têtu c'est maintenant. Pardon, c'est devenu têtu. Excuse-moi. C'est vrai que moi je suis un peu homo des années 80. C'est une autre époque. Alors bon, même si effectivement toi tu serais beau toi là-dedans, non? En double page. Absolument. Une demi page suffirait. Hein, une demi suffit largement. C'est comme Valbuena, c'est le seul joueur qui sur les images Panini il est en entier sur la photo. C'est quand même... Après, on a parlé de, bah, tu sais, les six clubs, là, qui vont descendre, ce qu'on appelle, bah, ici, il y a eu le Big Didier Six, le Big Four, là, c'est le Six Feet Under, c'est les six clubs qui creusent pour aller en bas. Caen, Auxerre, Lens, Monaco, Arles-Avignon, Valenciennes. Et Daniel, pour parler de ces clubs, ah, t'as dit un truc très important, ouais. Parce que toi, tu sais analyser le foot, t'as dit ça. Il y a tellement d'équipes qui ont la trouille de pas descendre. C'est vrai qu'il y a des, et Daniel, il pense qu'il y a des équipes qui ont la trouille de pas descendre. C'est... Non, non, mais attends, ah, attendez. C'est bon, ça. Non, non, non, après, t'as raison, j'avais pas entendu. Non, non, mais après, tu t'es rattrapé. Voilà. Le fait qu'autant d'équipes finalement flippent de ne pas descendre. Voilà, c'est que Daniel il est sûr de lui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui flippent de ne pas descendre. C'est tellement nul la Ligue 1 que les mecs ils ont peur de rejouer l'an prochain. C'est terrible. Tu fais bien de le noter parce que plein de fois il me semble avoir écrit cherche à éviter le maintien. Ah ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est qu'à un moment donné il déteste tellement la Ligue 1, Daniel, qu'il pense que tout le monde fait pareil et que tout le monde veut la fuir. Comment on peut pas fuir par le haut? On peut fuir par le bas. C'est terrible. Pour un auditeur, même. Daniel, je suis très attentif. Je bois tes paroles, Daniel. Ouais, des fois, ça me saoule d'ailleurs. Tellement tu bois. Daniel, pour un auditeur, il y a un auditeur qui a dit, Daniel, il comprend mieux les Lensois depuis quelques temps. Est-ce qu'il a changé d'épouse? Bah, franchement, s'il comprend mieux les Lensois, c'est peut-être parce qu'il a épousé sa cousine pour être si proche des gens du Pas-de-Calais, Daniel. Je sais pas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un auditeur. Non, non, mais hey, en plus, t'assumes pas tes conneries. Mais en tout le temps, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous avez remarqué que Paganelli, on a appris, allait devenir conseiller de Salerno, le président d'Arles-Avignon. Oh là là. Parce que Paganelli, vous savez qui c'est? C'est quand même l'ancien footballeur qui fait des clowns au bord du terrain sur Canal+. Ouais, voilà. Donc, comme si, parce que Arles-Avignon, je comprends pas, ils ont que ça des clowns. Mais ils sont carrément sur le terrain, là, les anciens footballeurs clowns. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire de Paganelli. Et en même temps, ça reste logique. Il y a une logique dans le recrutement. Peut-être que, et même, je crois même qu'il aurait le niveau pour jouer, Paganelli. Hein. Je l'ai vu récemment, il est encore pas mal. Apoula Edel, dont vous n'avez pas parlé, qui a été convoqué par la justice et par la police. Ah. Il a été convoqué, là, dans l'affaire de fausse identité. Il les a bien niqués parce qu'il est pas allé. Et ils lui ont dit, mais vous êtes où? Il dit, mais vous avez comment appelé Apoula Edel? Mais moi, je m'appelle Ambroise, il n'y a rien à voir là-dedans. Il est malin, le mec! Il s'est pas fait avoir! Et oui, du coup, il n'y est pas allé. J'ai encore le temps pour les chansons. Ah, tu peux y aller. Alors là, je crois que j'ai deux petites chansons. Deux chansons, ça devrait aller. J'ai 4 minutes, ça va? Vas-y, 4 minutes. D'abord, une petite après, chanson. On repassera si on a le temps quelques-unes de tes réalisations. D'accord. D'abord, une petite chanson. En hommage à Adil Rami, de la part de son ami, c'est Philippe Mexès qui me l'a envoyé, parce que tu sais qu'ils sont très proches, il m'a envoyé ça. Quand tu es près de moi, moulé dans ton maillot, rouge et bleu, bleurayé, pardon, je suis tout en émoi, on dirait le matelot de chez Gauthier. Quand je rentre chez moi, je te quitte pour ma Roma, si belle, surtout ne pleure pas, ça pourrait faire couler ton rimmel. Y'en a pas de Rami comme toi, oh non non non, pas d'autre Rami comme toi, je n'ai pas de Rami comme toi, oh non non non, pas d'autre Rami comme toi. Pas d'autre ami comme toi. Oui, je pense à toi loin dans mon Italie. Et je sais que je te manque. À toi, Adil. Quand tu pars au combat, camouflage, munitions, armes de guerre, manucure gomina, boucle d'oreille fond de teint, eyeliner. Quand un coéquipier dilettante rend d'humeur farouche, tout est vite oublié après quelques secondes sous la douche. Ouais, je n'ai pas de Rami comme toi. Non, non, non, pas d'autre Rami comme toi. Je n'ai pas de Rami comme toi. Oh non, non, non, pas d'autre. notre ami. Comme toi. Hey, comme toi, Adil. Merci. Bravo. Merci pour lui. Et j'en ai une dernière sur un joueur qui s'appelle Kamel Meriem, dont on ne parle plus beaucoup, alors qu'à l'Avignon, il se bat quand même. On s'accroche. Parle plus du tout. Mais non, eh ben c'est pour toi Kamel. Kamel Meriem, tu ne joues pas pour devenir champion, mais pour Arles-Avignon. Kamel Meriem, l'OM, l'AS Monaco, en passant par Bordeaux, pour finir dans le caniveau. Kamel Meriem, tu n'es pas le nouveau Zinedine, mais l'éternel has-been. Kamel Meriem, t'inquiète, c'est pas terminé, juste 8 matchs à gagner, et vous sauverez. Il y a dans ton effectif Diambo, vos pieds carrés, Flying, Vincent Planté. Il y a aussi Piocel, Pavone da Silva, Kerr, Morgan, Yatara, qui sont plus nuls que toi. Kamel Meriem, tu ne joues pas pour devenir champion, mais pour Arles-Avignon. Kamel Meriem, l'OM, l'AS Monaco, en passant par Bordeaux, pour finir dans le caniveau. Kamel Meriem, tu n'es pas le nouveau Zinedine, mais l'éternel has-been. Kamel Meriem, Kamel Meriem.